Chapitre 12 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 12. De la constance. La loi de la résolution et de la constance ne porte pas que nous ne devions couvrir, autant qu'il est en notre puissance, des maux et inconvénients qui nous menacent, ni par conséquent d'avoir peur qu'ils nous surprennent. Au rebours, tout moyen honnête de se garantir des maux sont non seulement permis, mais louables. Et le jeu de la constance se joue principalement à porter de pied ferme les inconvénients où il n'y a point de remède, de manière qu'il n'y a souplesse de corps ni mouvement aux armes de main, que nous trouvions mauvais, s'il sert à nous garantir du coup qu'on nous rue. Plusieurs nations très belliqueuses se servaient en leur fait d'armes, de la fuite, pour avantage principal, et montraient le dos à l'ennemi plus dangereusement que leur visage. Les Turcs en retiennent quelque chose. Et Socrate en Platon se moque de la chaise, qui avait défini la fortitude de tenir ferme en son rang contre les ennemis. Quoi fait-il? Serait-ce donc lâcheté de les battre en leur faisant place? Et lui allègue Homère, qui loue en Énéas la science de fuir. Et parce que la chaise se ravisant, avoue cet usage aux Scythes. Et enfin, généralement, à tout genre de cheval. Il lui allègue encore l'exemple des gens de pied lacédémoniens, nation sur toutes duite à combattre de pied ferme, qui, en la journée de Platée, ne pouvant ouvrir la phalange persienne, s'avisèrent de s'écarter et s'y arrière, pour, par l'opinion de leur fuite, faire rompre et dissoudre cette masse, en les poursuivant, par où ils se donnèrent la victoire. Touchant les Scythes, on dit d'eux, quand Darius alla pour les subjuguer, qu'il manda à leur roi force reproches, pour le voir toujours reculant devant lui, et gauchissant la mêlée. À quoi, Ida Tircès, car ainsi se nommait-il, fit réponse que ce n'était pour avoir peur de lui, ni d'homme vivant, mais que c'était la façon de marcher de sa nation. N'ayant ni terre cultivée, ni ville, ni maison à défendre, et à craindre que l'ennemi en pût faire profit. Mais s'il avait si grand fin d'en mordre, qu'il approcha pour voir le lieu de leur ancienne sépulture, et que là, il trouverait à qui parler tout son sou. Toutefois, aux canonnades, depuis qu'on l'aurait planté en butte, comme les occasions de la guerre portent souvent, il est méséant de s'ébranler pour la menace du coup, d'autant que par sa violence et vitesse, nous le tenons inévitable. Ayant y à main un qui, pour avoir ou hausser la main, ou baisser la tête, en a pour le moins apprêté à rire à ses compagnons. Est-ce qu'au voyage que l'empereur Charles V fit contre nous en Provence, le marquis de Gand, étant allé reconnaître la ville d'Arles, et s'étant jeté hors du couvent d'un moulin à vent, à la faveur duquel il s'était approché, fut aperçu par les seigneurs de Bonneval et Sénécal d'Agenois, se promenait sur le théâtre aux arènes, lesquels, l'ayant montré au sieur de Villiers, commissaire de l'artillerie, il braqua si à propos une couleuvrine, que sans ce que le dit marquis, voyant mettre le feu, se lança à quartier. Il fut tenu qu'il en avait dans le corps, et de même quelques années auparavant, Laurent de Médicis, duc d'Urbain, père de la reine-mère du roi, assiégeant Mondolphe, place d'Italie, aux terres qu'on nomme du vicariat, voyant mettre le feu à une pièce qui le regardait, bien lui servit de faire la canne, car autrement le coup, qui ne lui rasa que le dessus de la tête, lui donnait sans doute dans l'estomac. Pour en dire le vrai, je ne crois pas que ces mouvements se fissent avec discours, car quel jugement pouvez-vous faire de la mire haute ou basse en chose si soudaine? Et est bien plus aisé à croire que la fortune favorisa leur frayeur, et que ce serait moyen une autre fois aussi bien pour se jeter dans le cou que pour l'éviter. Je ne puis me défendre si le bruit éclatant d'une arquebusade vient à me frapper les oreilles à l'imprévu, en lieu où je ne le dusse pas attendre, que je n'en tressaille, ce que j'ai vu encore à venir à d'autres qui valent mieux que moi. Ni n'entendent les stoïciens que l'âme de leur sage puisse résister aux premières visions et fantaisies qui lui surviennent, ainsi comme à une subjection naturelle, consente qu'il cède au grand bruit du ciel, ou d'une ruine, pour exemple, jusque à la pâleur et contraction. Ainsi aux autres passions, pourvu que son opinion demeure sauve et entière, et que l'assiette de son discours n'en souffre atteinte ni altération quelconque, et qu'il ne prête nul consentement à son effroi et souffrance. De celui qui n'est pas sage, il en va de même en la première partie, mais tout autrement en la seconde, car l'impression des passions ne demeure pas en lui superficielle. Ainsi va pénétrant jusque au siège de sa raison, l'infectant et la corrompant. Il juge selon Icelle et s'y conforme. Voyez bien discertement et pleinement l'état du sage stoïque. Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes. Le sage péripatéticien ne s'exempte pas des perturbations, mais il les modère. Fin du chapitre 12.